Thank you. avec une jolie des enfants. Belle enfant. Et vu le temps, c'est pas les l'argent. We'll be right back. tes mamans. Son bel amant a foutu le camp avec la belle au bois. Faire la boucle de cette. Je suis en retard. Bon, bah tant pis, Cendrillon est reparti. J'avais bouclé le truc. Thank you. vitesse de ce truc là. coup j'ai pris la guitare. Et même pas cordée. La guitare est pas cordée. Que je l'ai pas accordé depuis longtemps, elle marche encore. Thank you. Thank you.